Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace avec une mission lancée dans l'espace tous les 15 ans depuis les années 70. La toute jeune astronomie Gamma dispose d'outils de plus en plus performants. C'est le cas quelques jours du lancement de GLAST, satellite scientifique américain. GLAST, ça veut dire Gamma Ray Large Area Space Telescope, télescope spatial donc consacré au rayon gamma. Pour en parler, Jacques Paul, bonjour. Bonjour. Vous êtes astronome gamma, vieil astronome gamma, dites-vous, page 26 de votre ouvrage Explosion cosmique qui vient de paraître chez Ellipse. Vous êtes conseiller scientifique au commissariat à l'énergie atomique et puis conseiller scientifique aussi au laboratoire Astroparticules et Cosmologie à Paris qui est né assez récemment. Jacques Paul, d'abord, quand on regarde partir un instrument comme un télescope spatial, et vous en avez vu quand même pas mal partir, c'est à chaque fois le fruit d'une histoire, ça a été pensé bien des années auparavant. À quoi aujourd'hui correspond GLAST? Quelles étaient les questions qui se posaient au moment où on le concevait? Eh bien, au moment où on a conçu GLAST, finalement, on se posait pas mal des questions qu'on se posait au tout début de l'astronomie gamma, parce que comme vous l'avez précisé, l'astronomie gamma est une discipline toute jeune, c'est une des plus jeunes des nouvelles astronomies, en tout cas, c'est la plus jeune des astronomies, baptisons photoniques, celle qui utilise notre lumière. Et de ce fait, elle a encore beaucoup à prouver et elle se pose encore les questions qu'elle se posait à son origine. D'autant plus que c'est une astronomie qui utilise certes des photons traditionnels, de la lumière normale, mais à tellement courte longueur d'onde que les processus qui peuvent rayonner ce type de photons sont radicalement différents de tous les autres processus émissibles dans l'univers. Qu'est-ce que c'est que les rayons gamma? Qu'est-ce qu'on appelle l'astronomie gamma? Ah ben, l'astronomie gamma, c'est étudier le ciel au moyen d'un rayonnement finalement qui n'est qu'une lumière tout à fait banale, sauf que sa longueur d'onde est ultra courte. Alors du fait de sa longueur d'onde ultra courte, ce rayonnement est ultra pénétrant, mais surtout il renseigne sur des sites célestes, des sites cosmiques qu'on ne peut pas explorer autrement. On peut faire un tout petit panorama de l'astronomie. En fait, la plupart des astres qu'on observe, que ce soit à l'œil nu, que ce soit au télescope, que ce soit dans la bande visible, dans l'ultraviolet, dans l'infrarouge, dans les rayons X, la plupart des astres émettent un rayonnement parce qu'ils sont portés à une certaine température, ce qu'on appelle donc naturellement le rayonnement thermique. Mais si vous chauffez un astre trop, si vous le chauffez au-delà de quelques dizaines de millions de degrés, eh bien à ce moment-là, il ne peut plus rester stable. Donc, il ne peut plus fabriquer un rayonnement thermique. Donc, on bascule dans un mode de processus radiatif, dans un mode de fabrication de rayonnement. Bien sûr, on l'appelle non thermique, enfin, c'est tout simplement par opposition, mais il renseigne sur des choses totalement différentes. Par exemple, si vous regardez dans l'infrarouge, vous voyez l'émission thermique, par exemple, des planètes. Donc vous avez de bonnes chances de voir une planète. Vous avez bonne chance de voir des poussières interstellaires chauffées par les étoiles voisines. Si vous regardez dans le domaine des rayons gamma, vous voyez des phénomènes généralement excessivement violents se produire parce que ces rayons gamma sont généralement émis parce que dessous, il y a une accélération de particules. Et des accélérations de particules à des vitesses très proches de la lumière. En gros, la nature reproduit tout naturellement, dans beaucoup de sites cosmiques, ce que les physiciens font à grand prix dans les accélérateurs de particules. Ils se vantent à juste titre de bientôt mettre en service le Large Hadron Collider à Genève, qui va accélérer des protons jusqu'à des énergies de l'ordre de quelques téraélectronvolts, eh bien la nature le fait tout à fait spontanément et sans aucune difficulté dans beaucoup de sites cosmiques, mais pour savoir ce qui s'y passe, le vecteur, le messager, c'est le rayon gamma. Alors, le vecteur, le messager, c'est le rayon gamma. Et le récepteur, j'imagine que c'est pas un miroir, comme un miroir de télescope traditionnel que l'on connaît. C'est quelque chose de très, très original, de très compliqué aussi, sans doute, à fabriquer. Bien sûr, puisque justement, ce qui caractérise le rayonnement gamma, c'est son ultra courte longueur d'onde. Donc, puisque sa longueur d'onde est si courte, on peut dire que le rayonnement gamma, bon, pour simplifier, se faufile entre les atomes. Donc, il n'est pas arrêté par la matière. Donc, si vous envoyez un faisceau de rayons gamma sur un miroir, ben, il passe tout simplement à travers. C'est gênant. Donc, c'est très ennuyeux parce que, quand même, toute l'astronomie, depuis la radioastronomie jusqu'aux rayons X, c'est quand même basé sur l'idée qu'on concentre le rayonnement avec un grand miroir, et puis ensuite on le concentre sur une petite surface détectrice qui, elle, est compliquée, coûteuse, très sensible, et en plus ça permet de faire des belles images. Eh bien, ce problème de faire des images et de concentrer le rayonnement gamma est un handicap important pour l'astronomie gamma, puisque pour l'instant, il ne peut pas être concentré. Il y a bien des idées pour le concentrer, mais ça, c'est pour vraiment plus tard. Donc, partons de l'idée que ce rayonnement gamma ne peut pas être concentré. Donc, dans le télescope gamma, en quelque sorte, la surface sensible doit avoir la taille du collecteur, ce qui est vraiment un premier handicap, c'est-à-dire que au lieu d'avoir un gros collecteur pas cher comme un miroir et puis un petit récepteur très pointu, bah on a un gros collecteur qui doit être très coûteux puisqu'il est lui-même détecteur. Alors maintenant, les techniques envisagées, bon, ben, sont des techniques qui ont été mises au point justement dans les laboratoires de physique des particules, puisque fort de cette fameuse dualité, enfin, un mot que j'aime pas trop, ou plutôt double aspect de la lumière, soit onde, soit particule, quand on arrive dans le domaine des rayons gamma, on peut le plus souvent parler de particules. À ce moment-là, on a à notre disposition toute une batterie de détecteurs de particules qui détectent très bien les rayons gamma. Mais ces détecteurs sont lourds et encombrants et sont vastes, et d'où la difficulté qu'a eu l'astronomie gamma de se hisser au niveau de sensibilité des autres astronomies. Et en l'occurrence, GLAST est ce qu'on peut faire de mieux, puisque GLAST utilise à fond les capacités d'emport des fusées quand même assez puissantes. Pour terminer sur l'outil lui-même, hein, le filet à papillon qui collecte l'information, et avant d'aller à ce qu'il regarde vraiment et ce que sont les enjeux de cette astronomie-là, est-ce que c'est le fils d'une génération, GLAST ? C'est le dernier, en tout cas, c'est le dernier à partir. Il a des prédécesseurs. Vous disiez que c'est une, effectivement, génération quand même assez nouvelle, mais c'est la deuxième, troisième génération de télescopes spatiaux gamma ? Dans sa catégorie, dans la bande d'énergie, c'est-à-dire dans le domaine spectral dans lequel GLAST va opérer, qui est celui des rayons gamma, disons, de haute énergie, eh bien, il est en quelque sorte de la troisième génération. Dans le passé, on remonte aux années 70, on a eu en Europe le projet COSBE, et aux États-Unis le projet SAS-2. Bon, par chance pour les Européens, SAS-2 est tombé en panne au bout de 6 mois, donc il a laissé le champ libre à COSBE, qui a défriché le ciel gamma dans les années 70 et qui a découvert 25 sources de rayons gamma dans le ciel, sans compter, il a découvert aussi une émission de la Voie lactée. Et puis ensuite est arrivé dans les années 90 le télescope Egret à bord du Gamma Ray Observatory de la NASA, qui lui a décuplé le nombre de sources. Et là, avec GLAST, eh ben, c'est le stade, je dirais, ultime, parce que pour faire mieux, faudrait imaginer un lanceur plus puissant. Parce que là, si on veut décupler la taille de GLAST, il faut lancer des dizaines de tonnes dans l'espace, et c'est pas encore très courant pour les expériences scientifiques. Alors, venons-en, si vous voulez bien, aux cibles, hein, qui sont celles de ce télescope-là. On avait recensé dans Ciel Espace 5 cibles, en tout cas, qui sont considérées comme étant majeures, 5 défis, hein, pour le satellite, c'est-à-dire les supernovas, ce qui se passe près des pulsars, donc consécutif à la mort de l'étoile, de l'influence et de l'environnement des trous noirs. Là, on est aussi encore dans une situation de matière condensée extrême et de phénomènes violents violents alentour, de sursaut gamma dont on parlera tout à l'heure plus précisément, et même de matière noire, c'est-à-dire de ces fameuses particules dites WIMPs, Weakly Interactive Massive Particles, qui pourraient être en tout cas de la matière noire que l'on cherche toujours actuellement. Ça fait beaucoup de cibles. Ce qui est sûr, c'est que sur les trois premières, en tout cas, on est là dans une matière et dans des événements d'une violence extrême. Hein. C'est quand même le télescope de la violence et de l'astronomie de la violence en ce sens-là. Qu'est-ce qu'on va chercher dans les supernovas, les pulsars et les trous noirs, et l'environnement des trous noirs qui est si important à comprendre aujourd'hui ? Eh bien, paradoxalement, tous les sites que vous avez énumérés paraissent comme ça un peu disparates, mais ils ont tous en commun quelque chose, c'est qu'ils mettent en jeu des astres en général ultra compacts. Et qui dit astre ultra compact dit astre de petite dimension, mais dit aussi astre où peuvent se produire les plus gros transferts d'énergie. L'exemple type de ce genre d'astre, c'est le trou noir, bien sûr. L'étoile à neutrons n'en est pas loin. Et que ce soit les phénomènes qui se passent dans les vestiges de supernova, que ce soit les phénomènes qui se passent au cœur des galaxies actives, que ce soit les phénomènes qui se passent à l'origine des sursauts gamma, finalement, vous trouvez le même ingrédient de base, un astre effondré, un astre compact, un trou noir ou une étoile à neutrons, et des phénomènes extrêmement énergétiques, donc extrêmement violents, qui s'y déroulent. Et tout simplement parce que, prenons le cas du trou noir, si une particule tombe sur un trou noir, par définition, au moment où elle franchit l'horizon du trou noir, elle aura atteint la vitesse de la lumière. Donc elle sera accélérée à une vitesse qu'on ne peut absolument pas reproduire sur Terre. Donc on a là un laboratoire de l'extrême. Alors qui dit petite taille dit aussi phénomène très, très soudain, très bref, hein, parce que plus on est vaste dans le ciel, plus la lumière varie lentement. En gros, un astre ne peut pas varier, l'éclat d'un astre ne peut pas varier plus que sa taille multipliée par la vitesse de la lumière. Imaginez par exemple que le Soleil s'éteigne brutalement, il faudrait quand même 2 secondes pour voir le Soleil, la lumière du Soleil s'éteindre, puisqu'il a une taille de 2 secondes lumière à peu près. Comme là il est question d'astres, trous noirs, étoiles à neutrons, dont les horizons se mesurent en kilomètres ou en dizaines de kilomètres, on peut voir des phénomènes extrêmement variables, avec une variabilité qui ne sont pas du tout habituelles en astronomie, qui est quand même un domaine où normalement les choses ont l'air d'être assez immuables. Les anciens faisaient du ciel le refuge des dieux parce que rien ne bougeait, parce que tout était toujours pareil. L'astronomie gamma, c'est pas du tout le cas. Pratiquement la plupart, toutes les sources sauf une connues des rayons gamma sont excessivement variables. Parce que les phénomènes qui s'y déroulent sont très violents, et qui dit violence dit variabilité. Quand vous dites violent, très violent, ça signifie quoi ? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques images ? Absolument. Violence signifie que les quantités d'énergie mises en jeu sont énormes en un lieu petit et en un temps bref. C'est-à-dire que, on peut prendre le cas le plus extrême de la violence cosmique, qui est le sursaut gamma. Au moment où le sursaut gamma se déroule, il relâche autant d'énergie à lui tout seul que tout le reste de l'univers. Ça dure pas longtemps, bien sûr, ça dure quelques dizaines de secondes, mais pendant quelques dizaines de secondes, il va relâcher autant d'énergie que toutes les étoiles de l'univers. Ça fait quand même énormément. Donc ça, c'est la violence extrême. Mais sans aller jusque-là, un banal trou noir qui accrète la matière de son étoile compagnon est capable de susciter un rayonnement qui relâche 1 million de fois plus d'énergie que le Soleil ne le fait par seconde. Alors bien sûr, cette énergie est relâchée sous forme de rayons totalement invisibles. C'est pour ça qu'il a fallu du temps, et il a fallu l'astronomie X et l'astronomie gamma pour le comprendre. Mais ce sont des phénomènes extrêmement énergétiques. Alors, je ne parle pas des noyaux actifs de galaxies qui, quand on les appelle quasars, par exemple, sont capables de se faire voir jusqu'aux confins de l'univers, ce qui est la preuve qu'ils relâchent énormément d'énergie. Donc, pour relâcher beaucoup d'énergie... Et comme en plus, tous ces sites sont petits, hein, les plus gros de ces sites extrêmes, c'est les noyaux des galaxies actives. On pense que le trou noir qui est au centre des grosses galaxies, des galaxies les plus actives, est plus petit que l'orbite du Soleil. Donc ce sont des phénomènes, pour des astronomes, quand même relativement petits, qui se mesurent en kilomètres ou en millions de kilomètres. Et vous dites bref aussi, c'est-à-dire c'est souvent de l'ordre de la seconde ou de la minute, hein, c'est ça la brièveté. Plus le phénomène est violent, plus il se doit d'être bref, sinon, ce serait le Big Bang. Quoi. On a coutume de dire que les sursauts gamma sont les événements les plus violents de l'univers après le Big Bang, mais c'est vrai que s'ils n'étaient pas brefs, ils bouleverseraient tellement leur environnement qu'on ne sait pas exactement ce qui se passerait. Donc plus on relâche beaucoup d'énergie en un site petit, plus ça doit être bref, parce que c'est explosif en quelque sorte. Donc il y a tout de suite un phénomène d'expansion. Ça ne peut pas durer très longtemps. Est-ce qu'il y a beaucoup de sites, est-ce qu'il y a beaucoup de sources dans une galaxie, ou est-ce que finalement, est-ce que dans l'univers, on a beaucoup d'endroits qui sont connus comme étant des endroits que visent ces télescopes gamma parce qu'il s'y produit régulièrement des explosions? Eh bien, les plus modestes, ceux qui sont issus de l'évolution des étoiles, que ce soit les étoiles à neutrons sous forme de pulsars ou les trous noirs qui accrètent la matière de leur étoile compagnon, eh bien, ça, c'est l'évolution naturelle des étoiles massives. Les étoiles massives ne manquent pas, hein, notre galaxie en est largement pourvue. Et là, les sources potentielles dans notre voie lactée se comptent par dizaines, voire par centaines, qui sont capables d'émettre un rayonnement gamma significatif. Et puis, c'est même pas la peine d'aller si loin. Notre simple Soleil, notre brave Soleil, quand se produit ce qu'on appelle une éruption solaire, accélère des particules, accélère une bouffée de particules. Ces bouffées de particules font des rayonnements gamma. Bien sûr, ça dure pas très longtemps. Bien sûr, on le voit parce que c'est tout près. Mais en gros, lui-même est une source de bouffée de rayons gamma. À vous écouter, je me dis que c'est en fait c'est plus une expérience de physique que d'astronomie, parce que certes, je dirais, on est dans l'univers, c'est des objets astronomiques, mais c'est le physicien que ça intéresse finalement. Qu'est-ce qui se passe quand la matière est dans des états extrêmes, accélérée? C'est un laboratoire de physique à ciel ouvert qui s'appelle l'univers et que vous allez observer, regarder. C'est même plus que ça, parce que un laboratoire de physique, on sait aujourd'hui que grâce à ces astres extrêmes, on peut étudier justement la physique dans des conditions qu'il est hors de question de fabriquer sur Terre. Hein, par exemple, prenons le cas le plus simple d'une étoile à neutrons. Elle suscite dans son proche environnement des champs magnétiques qui sont de l'ordre de millions, voire de milliards de Tesla. Or, les meilleurs aimants qu'on sait faire sur Terre dépassent difficilement la dizaine de Tesla. Donc, il est hors de question de jamais faire sur Terre des expériences de physique dans des champs aussi forts, des champs magnétiques. Pareil pour les champs électriques. Et je ne parle pas des champs de gravitation. Le champ de gravitation qui règne à la surface d'une étoile à neutrons est... Il est hors de question d'espérer jamais le reproduire dans des conditions de laboratoire. Et je ne parle pas non plus des températures. Dans les plasmas astrophysiques les plus chauds, on atteint facilement les dizaines de millions de degrés. Il est hors de question de le reproduire. Regardez les difficultés qu'ont les physiciens actuellement de reproduire ce qui se passe au cœur du Soleil. Hein, c'est le projet ITER. On dit peut-être qu'un jour on saura faire dans une machine les réactions qui se passent au cœur du Soleil, qui sont ultra banales. Et bien, ce genre de laboratoire à ciel ouvert, oui, que sont les astres, fournit aux physiciens l'occasion d'observer et d'étudier les lois de la physique dans des conditions qu'ils ne sont pas capables de reproduire et qui ne reproduiront sans doute jamais sur Terre. Donc c'est... Alors maintenant, est-ce grave de faire de la physique quand on fait de l'astronomie ? Bon, c'est pour ça qu'on a inventé l'astrophysique. Hein. En France, c'est Janssen qui, le premier, s'est dit, tiens, on pourrait faire un peu de physique en étudiant les astres. Et il a fait l'observatoire de Meudon. Et au fond... Et c'est pour ça que les astronomes aiment bien se baptiser maintenant d'astrophysiciens, ça fait plus chic, mais il reste pas moins que dans la démarche qui consiste à étudier ces astres émetteurs de rayons gamma, il y a une démarche de physicien, certes, au niveau des instruments, au niveau de ce qui s'y passe, mais il y a aussi une démarche de pur astronome, c'est-à-dire essayer de détecter des objets nouveaux dans le ciel et de leur donner des noms.